Alors, bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 166e émission de Rock de Neurone, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant cette émission, vous allez entendre une nouveauté de Dave Kirshner des États-Unis. On va avoir Quantum Fante de Belgique, une nouveauté des Pays-Bas Silhouette. On aura aussi quatre extraits de l'album remasterisé de Gentle Giant par Steven Wilson. En fin de bloc, en fin d'émission, c'est-à-dire le quatrième bloc, nous aurons Phoenix Again d'Italie, une nouveauté, Uranian d'Argentine et une nouveauté du Venezuela, Pie Experience. Alors, en ce début d'émission, nous aurons Dave Kirshner. Dave Kirshner, qu'on connaît bien comme claviériste de Sound of Contact, eh bien, il nous propose un deuxième album qui s'intitule Static. C'est sorti il y a quelques jours et c'est un album de 14 pièces qui totalise 74 minutes de musique. Quand même, c'est très généreux. Et puis, pour cet album-là où il joue les claviers, il s'est adjoint les services de 15 musiciens. Et parmi lesquels, on retrouve Steve Hackett de Genesis à la guitare. On a aussi Colin Edwin à la basse, Colin Edwin qu'on a connu dans Porcupine Tree. Et Nick Virgilio, qui est le batteur, qu'on a connu aussi avec Spock's Beard. Il a fait, je pense qu'il a remplacé aussi Phil Collins comme batteur de Genesis. On l'a vu aussi, un court passage avec Mystery, le groupe de Montréal, et récemment avec Big Big Train pour quelques enregistrements. Alors, ça sera trois pièces. La première, c'est Hypocrites. La deuxième, c'est Dirty Soap Box. Et la troisième, The Truth Behind. Alors, voici Dave Kirshner. We'll be right back. Baptist preacher stands in the corner stage on his dirty soapbox. Disrespect. We'll be right back. Thank you. Alors, c'était notre album de la semaine, l'artiste Dave Kirshner avec son album Static qui vient juste de sortir et dont on a entendu trois pièces, The Truth Behind, Dirty Soap Box et Hypocrites. Alors, après la pause, Quantum Fante et Silhouette. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je vous rappelle que vous êtes en direct de Trois-Rivières sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, en compagnie de Jimmy Farley pour une autre émission de Rock de Neurones. Alors, pour ce deuxième bloc, nous allons avoir Quantum Fante de la Belgique. Quantum Fante, qui est un groupe dans le genre psychédélique, là, dans le style de Osric Tentacles. C'est un groupe qui est original, c'est-à-dire qu'il a quand même 7 albums de son propre cru. Ça a tout débuté en 2005, donc c'est du psychédélisme moderne. Et je disais qu'il y avait 7 albums de produits. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait du 5e album paru en 2014, Terra Gaia, et la pièce s'intitule Instant Karma. Et ça va être suivi de Silhouette, un groupe néo-prog de l'époque moderne, bien entendu, des années 2000. Ça a débuté en 2007. C'est un groupe qui a 5 albums à son actif, dont le plus récent, The World is Flat and Other Alternative Facts. Alors, c'est probablement un clin d'œil à ce qui se passe aux États-Unis avec les faits alternatifs dont on connaît un spécialiste là-bas. Et Silhouette, ben, c'est, comme je disais, c'est leur 5e album depuis 2007. Alors, on débute ça avec Quantum Fante de Belgique. C'est pas c'est cool. Thank you. Stop. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Silhouette des Pays-Bas avec la pièce Symphony for a Perfect Moment. Et ça, c'est extrait de leur plus récent album The World is Flat and Other Alternative Facts. Et ça a été précédé de Quantum Fante de la Belgique et la pièce Instant Karma. Et ça, c'est tiré de Terra Gaia qui est paru en 2014. Je rappelle aux auditeurs que la nomenclature exacte de toutes les pièces diffusées lors de l'émission, ces pièces-là, vous pouvez retracer toute l'information sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, après la pause, du Gentle Giant remasterisé. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, de retour avec un bloc entièrement consacré à Gentle Giant. Et puis, en fait, c'est suite au travail de Steven Wilson qui, on sait depuis quelques années, s'est lancé dans le remixage d'albums de rock progressif classique. Là, on a pu apprécier son travail avec des albums de Jethro Tull. On a eu aussi Misplaced Childhood de Marillion. Il y a eu Chicago 2. Il y a eu Tales of Topographic Oceans de Yes. Il y a eu aussi Octopus de Gentle Giant et puis The Power and the Glory. Et on attendait avec impatience la sortie des trois albums, en fait, les trois premiers albums, Gentle Giant, Acquiring the Taste et puis Three Friends. Mais c'est une compilation incomplète qu'on obtient sur CD et sur vinyle. Moi, j'ai obtenu la version vinyle en deux disques, là, en fait. Et puis, il y a seulement 11 chansons sur extraites des trois premiers albums qui ont pu être remasterisées, faute de bandes originales suffisantes. Alors, on va entendre dans le bloc Why Not, Pentagril's Nativity, Nothing At All, et puis The House, The Street, The Room. Alors, Gentle Giant, version remix Steven Wilson. We'll be right back. she sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. Faith in our ripples just waving her by with a sigh. She sees lovers pass by with much more than a kiss. Ah, this is a girl who had everything, finds she's nothing at all. Now the wind seems so cold, seems so old as it laughs at her fears. And as ducks swim away from her, visions of past love appear in her tears. She sees love in his face as she tells him to go, and so the girl who had everything finds she's nothing at all. Now she sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. And the things she put faith in are ripples just waving her. Thank you. Alors, c'était Gentle Giant avec des extraits de l'album, en fait, des trois premiers albums que le groupe a enregistrés en 70, 71, 72 et qui ont été remasterisés par Steven Wilson. Et c'est ce que vous avez entendu avec The House, The Street, The Room, Nothing at All, Pantagruel's Nativity et Why Not. C'est un groupe d'ailleurs que j'avais vu deux fois dans les années 70 et plus récemment avec Three Friends aussi que j'ai vu deux fois à Montréal. Et encore plus récemment, mais il y a JJ Project, là, ce groupe hommage à Gentle Giant qui nous est originaire de Québec, que j'ai aussi vu deux fois. Et je suis certain qu'ils seront à Lévis d'ici quelques semaines, c'est au mois d'octobre, alors allez consulter la page Facebook de JJ Project. Je vous recommande fortement d'assister à ce spectacle-là, c'est une réplique assez fidèle de ce que Gentle Giant nous a proposé à l'époque. Alors après la pause, Phoenix Again, Uranion et Pi Experience. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors pour ce dernier bloc de l'émission, nous aurons Phoenix Again, qui est un groupe italien qui vient de faire paraître son troisième album qui s'intitule Unexplored. Et on va entendre une pièce qui est extraite de cet album-là. Et la pièce s'intitule The Bridge of Geese. Et on fait un petit retour dans le passé en 2011 avec un groupe argentin du nom de Uranian. Ils ont un seul album qui s'intitule La Ciudad de los Sueños. Et ça, c'est paru en 2011. Et je vous propose un extrait qui s'intitule Zero Bytes. Et en fin de bloc, nous aurons un nouveau groupe de... c'est un nouvel album, court album, je dois dire. Le groupe existe depuis 2008. C'est un groupe du Venezuela. Ça s'écrit Pi, comme la lettre Pi, la lettre grecque Pi, et Experience, qui est tronqué des voyelles, et ça se lit X-P-R-N-C. C'est un petit peu spécial comme musique, et c'est quand même bien abordable. Alors, ils ont sorti l'album Oblivion Works Inside Us. Alors, je vous propose deux extraits. Alors, on débute ça avec Phoenix Again. Thank you. Thank you.

Alors, c'était du Venezuela, la formation PRNC. Alors, on doit lire Pi comme le chiffre Pi, 3.1416, et Experience avec les voyelles tronquées. Donc, c'est PRNC. Et deux extraits de l'album Oblivion Works Inside Us. C'était la pièce Mantram qu'on vient d'entendre et ça a été précédé de As You Live, You Will Die. Et auparavant, nous avions d'Argentine la pièce, c'est-à-dire le groupe Uranian et la pièce Zero Bytes. Et c'est extrait de la Ciudad de los Sueños. Et en début de bloc d'Italie, nous avions Phoenix Again et la pièce The Bridge of Geese. Et tiré de leur plus récent album Unexplored. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 166e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de 13h à 15h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1. Vous pouvez aussi l'écouter en différé aussi, en fait, sur SoundCloud. Et vous allez par Internet sur le site SoundCloud et dans la barre de recherche, vous tapez Rock de Neurones et vous allez avoir accès à l'émission de la semaine courante. Pour les détails concernant les pièces, les albums, les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones, qui aussi regroupe certaines chroniques que j'ai rédigées, principalement sur les albums de rock progressif là, depuis un an. Et vous avez aussi un lien qui vous amène à l'archivage de près de 92 ou 93 émissions. Et avec ces émissions archivées, vous avez aussi les feuilles de route qui ont constitué ces émissions depuis déjà 2013. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones dans laquelle on retrouvera, entre autres, la deuxième partie des pièces de Gentle Giant remasterisées par Steven Wilson. Alors, bonne semaine.